un serment de manière précipitée en disant que celui qui va manger la nourriture avant le soir sera maudit. Il fallait qu'il voie les tenants et aboutissants d'abord. Deuxième erreur, il n'a pas informé ou il n'a pas instruit son propre fils. Tout le peuple savait ce serment. Mais son propre fils faisait partie des gens qui allaient au combat. Mais son propre fils, Jonathan, ne connaissait pas, n'était pas au courant de ce serment. Que celui qui mangerait la nourriture avant le soir serait maudit. Il était ignorant. Le texte dit ici, au verset 26, « Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. » Verset 27, « Jonathan, le fils de Saül, ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche et ses yeux furent éclaircis. » Vous voyez, il y avait même un problème de communication. Faisons attention, dans notre famille, parfois nous ne communiquons pas avec les enfants. Nous communiquons avec tout le monde. Je parle à quelqu'un, il y a des choses que tu communiques avec des employés, avec ta secrétaire, avec des amis. Mais ta propre femme n'est pas informée de ce que tu fais. Ta propre femme n'est pas informée des décisions que tu prends. Ce n'est pas normal. Voici que Saül a fait faire un serment au peuple. Mais son propre fils, qui était même un guerrier, n'était pas au courant. Il n'a pas dit à son fils que voilà, il ne faut pas prendre la nourriture. Et conséquence, quand son fils a pris un peu du miel et ses yeux furent éclaircis, ça veut dire que la malédiction que son père a fait prononcer là a atteint son propre fils. Mais peut-être lui, il ne pouvait pas imaginer que cette malédiction pouvait se retourner contre sa maison, son propre fils. Bien-aimé, faisons attention. Quand tu es parent, fais attention à ce que tu déclares comme parole. Il y a des gens qui maudissent. Il y a des gens parfois qui, à la maison, peuvent dire, bon, il y a quelque chose qui est perdu. Il y a peut-être un verre qui est perdu. Il y a peut-être un téléphone portable qui est perdu. Oui, j'ai maudit celui qui a pris ce téléphone portable. Que telle chose lui arrive. Tu ne te mets pas. Peut-être que tu ne te rends pas compte que ça peut être un de tes fils ou ta fille qui a pris le téléphone portable. Et toi, tu t'empresses à maudire celui qui a fait ça. Faisons attention. Nous devons peser nos paroles. Surtout en tant que leader, en tant que parent. Parce que ce que nous prononçons risque de se retourner contre nous-mêmes. Il y a même des gens qui prononcent des paroles qui se retournent contre eux-mêmes. Tu te maudis toi-même. Tu dis, moi j'ai la malchance. Moi j'ai ceci. Comment tu peux maudire tes propres enfants? Comment tu peux maudire ta propre fille? Non, ce n'est pas normal. Deuxième vérité. Prenons garde à la gestion de la fatigue. Vous voyez, même sur le plan médical, les médecins conseillent le repos. Tu peux être chrétien, tu peux être pasteur, tu peux être prophète, tu peux être, je sais pas, DG. Apprends à te reposer. Parce que quand on est très fatigué, la fatigue excessive peut causer beaucoup de dégâts, même dans le corps humain et même dans la société. C'est pourquoi nous devons être équilibrés. Ne cherchons pas à tout spiritualiser. Vous voyez, je vais parler à une sœur. Écoute-moi bien, toi tu aimes jeûner. Ce n'est pas mauvais de jeûner. Mais quand tu jeûnes là, il y a certains éléments ou bien certains conseils que tu dois observer. Il n'est pas par exemple conseillé de faire un jeûne à sec à plus de 3 jours, 7 jours. Tu risques d'être déshydraté. Il y a beaucoup de gens qui ont connu des problèmes de santé parce qu'ils ne sont pas équilibrés. Ce sont des gens qui se voient très spirituels. Vous voyez ici, Saül a fait un serment au peuple. Il dit, celui qui va manger avant le soir, il doit être maudit. Mais le peuple allait en guerre. Un peuple qui s'en va en guerre, à un moment donné, on doit se rendre compte que le peuple peut être fatigué parce qu'il y a beaucoup de mouvements qu'on fait. Vous voyez, le texte dit ici, au verset 25, « Tous les peuples étaient arrivés dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne portait la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. » Mais quand nous suivons, nous parcourons le texte, il est dit ici, au verset 31, « Ils bâtirent ces jours les Philistins depuis Michmash jusqu'à Jalon. Le peuple était très fatigué, vous voyez, le peuple était très fatigué avec les combats. Et il se jeta sur le butin, il prit des brebis, des bœufs, des veaux, il les égorgea sur la terre, il en mangea avec le sang. » Vous vous rendez compte? Quand quelqu'un peut manger avec du sang. C'est-à-dire, ils n'ont même pas préparé. Ils n'ont même pas pris la nourriture, le veau là, les bœufs qu'ils ont égorgés pour mettre au feu, ou pour mettre même, pour rôtir, tout ça, non. Les gens étaient tellement fatigués. Ils étaient tellement affamés qu'ils ne pouvaient plus se contenir. Ils ont mangé la nourriture crue, la chair crue avec du sang. Vous vous rendez compte? Lorsqu'on est très fatigué, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. C'est ainsi que quand tu es un leader, il faut faire attention. Ne fais pas travailler les gens comme des moutons. Il faut savoir que ce sont des personnes. Nous devons apprendre à donner du repos. C'est pourquoi même le code du travail reconnaît la place de congé annuel. Je vais parler à un frère, mon ami. Toi, ça fait 2 ans que tu ne prends pas de congé. Tu te crois un superbe homme? Non, le congé a sa place. Tu dois apprendre à te reposer, te retirer parfois. Il faut observer les congés annuels. Quand tu es un patron, il faut donner les congés à tes enfants, à tes serviteurs, à tes travailleurs. Parce que ça fait partie du code même du travail et même ce biblique. Quelqu'un qui est trop fatigué ne peut pas donner un bon rendement. Et il peut connaître beaucoup de problèmes, il peut causer des dégâts. Ici, nous voyons, les dégâts, c'était de manger la nourriture avec le sang. Manger la chair crue avec le sang, ce qui était interdit même dans la loi de Moïse. Mais tout ceci est arrivé à cause de la fatigue excessive et du serment que Saül, le premier responsable, a fait faire aux gens. Pour dire, allez au combat, vous n'avez pas besoin de manger, ne mangez pas. Il y avait du miel, personne ne pouvait prendre du miel, alors que le miel pouvait leur donner un peu de force. Et maintenant, le roi Saül va chercher maintenant à réparer cela. La Bible nous dit, au verset 33, on les rapporta à Saül et l'on dit, voici le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Saül dit, vous commettez une infidélité, roulez à l'instant vers moi une grande pierre. Et tout ceci, Saül lui-même devrait être conscient que c'est à partir du serment qu'il a fait faire. Il ne s'est pas rendu compte qu'il avait un peuple, il y avait des gens qui allaient en guerre, qui étaient fatigués. Il faut prendre ce qu'on appelle le besoin de tout l'homme, la vision holistique de l'homme. L'homme, il est corps, il est âme, il est esprit. Faisons donc attention à la gestion de la fatigue. Que le Seigneur soit béni. Nous allons le louer, chantons ce chant. Yeshua, Amashia, sois adoré et sois loué. Yeshua, tu es mon Dieu, sois exalté à jamais. Oh, Gloire au Seigneur. Il est digne de louange. Il est digne de gloire. Il est digne d'être élevé, d'être exalté. Élevons nos voix. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sous la brèche. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquentevie.com. C'est votre serviteur, le révérend Dieudonné Ngoumbi, au microphone. Nous encourageons tous ceux qui partagent OSB par WhatsApp. Vous faites bien de partager OSB avec des amis, avec des parents. Que Dieu vous bénisse pour ce ministère. 1 Samuel 14, 24 à 35, c'est notre passage du jour. Faisons attention aux serments, aux paroles que nous prononçons. Saül a fait un serment. Il a prononcé une parole de malédiction contre quiconque devait manger ou aller manger avant le soir. Et cette malédiction se retournait contre son propre fils Jonathan. Bien-aimé, prions pour que Dieu nous préserve de tels serments, de telles paroles irréfléchies qui peuvent se retourner contre nous et contre notre famille. Prions le Seigneur. Adorable Père, ce matin, nous te bénissons parce que tu es un Dieu qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous oriente, qui nous dirige. Encore une fois, sois apprécié pour la vie en abondance que tu nous donnes. Merci parce que tu nous aides par ton esprit à être des hommes sages, à chercher à marcher dans la sagesse. Parce que communiquer, faire des serments, faire des vœux, Seigneur, c'est avec sagesse que nous devons faire toutes ces choses. Si nous ne sommes pas capables de l'accomplir, nous devons renoncer. Nous devons être lents à parler. Nous devons être lents à pouvoir communiquer ce que nous ne pouvons pas faire. Voilà que Saül l'a fait et cela s'est retourné contre sa propre maison, contre son propre fils. Nous prions que tu nous aides à ne pas nous engager rapidement et facilement dans l'euphorie, dans l'orgueil pour se faire voir, à faire des procès, des vœux et prendre des décisions à la hâte qui peuvent nous contredire ou nous mettre mal à l'aise, qui peuvent se retourner contre nous dans la honte qui peuvent nous condamner plus tard, à ne pas prendre des engagements qui peuvent nous contredire plus tard, à ne pas faire des serments qui peuvent retourner contre nous. Seigneur, ce matin, nous prions que tu nous sanctifies, que tu nous aides, que tu nous restaures, que tu nous renouvelles à être des enfants dignes, à savoir ce que nous disons, que nous puissions le faire pour que ton nom puisse être glorifié dans notre vie. Louange et gloire à toi pour cette force, cette intelligence, cette sagesse divine que tu accordes à quelqu'un pour que sa marche avec toi soit améliorée dans sa manière de vivre, dans sa manière de prendre des décisions, dans sa manière de faire des serments, surtout avec toi, et les accomplir pour la gloire de ton nom et pour la joie partagée. Au nom de Jésus de Nazareth, Amen. Amen. Nous venons de voir qu'au nombre des erreurs de Saül, il y avait le manque de communication. Il n'a pas su communiquer ce serment à son propre fils. Prions pour que nous apprenions à bien communiquer. Ça commence au sein de la famille, entre monsieur et madame, entre les parents et les enfants. Apprenons à bien communiquer même dans l'église. Apprenons à bien communiquer même dans nos entreprises. Le manque de communication peut créer beaucoup de problèmes. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu nous as donné ta parole. Tu as dit au commencement était la parole et tu nous as donné le langage, tu nous as donné de parler entre nous et tu as dit que le pouvoir de la mort et la vie se trouve dans notre langage, dans notre langue. C'est pour cela ce matin, nous prions que tu nous aides à pouvoir communiquer non seulement avec toi, avoir une relation de communication avec toi et toi avec nous d'abord. Merci de nous aider, oh Dieu Père, par ton esprit, à communiquer avec nous en tant que mariés, entre mari et femme. Donne-nous de communiquer sur tous les sujets, aborder les sujets pour détruire tous les problèmes à venir. Aide les parents à pouvoir mieux communiquer avec leurs enfants, comprendre leurs enfants. Père, dans quelque langage que ce soit, que nous puissions être des canaux pour aider les enfants aussi à se communiquer entre eux. Nous prions que tu nous aides aussi à communiquer avec notre prochain, où que nous soyons, dans nos entreprises, dans nos sociétés, partout où nous sommes. Donne-nous d'être des agents qui parlent, qui s'expriment, qui font comprendre au Dieu ce que nous désirons, ce que nous aspirons. Ce matin, aide quelqu'un à améliorer sa communication avec son prochain. À l'église, donne-nous aussi de communiquer avec les uns et les autres. Que tout ce qui est barrière, tout ce qui est barrage, oui, de la non-communication dans notre vie, soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu nous capacites par ton esprit, par ton onction, à pouvoir communiquer et à bien communiquer pour la gloire de ton nom, afin que, oui Seigneur, en tout temps et en tout lieu, notre communication avec amour, avec paix, avec joie, contribue à l'avancement de ton royaume. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons de voir que la fatigue excessive peut créer des dégâts. Le peuple était très fatigué, très affamé, à telle enseigne que le peuple a mangé de la chair, de bœuf, de veau avec du sang. Bien-aimé dans le Seigneur, prions le Seigneur. Demandons-lui pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas eu la peine de nous reposer. Prions pour que Dieu nous aide à apprendre à nous reposer. Et prions pour nos leaders, nos chefs, nos patrons d'entreprise, nos DG, afin qu'ils puissent observer les principes de repos, les principes de congé. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous te bénissons, tendre Père, parce que tu n'as point changé. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité ce matin. Merci, parce que beaucoup sont ignorants, beaucoup de serviteurs de Dieu surtout, beaucoup de responsables surtout, beaucoup de pères de famille surtout. Beaucoup de frères et sœurs, surtout aussi, ignorent le repos. Beaucoup ignorent prendre des temps de retraite pour réfléchir, pour se reposer, pour se restaurer, pour se requinquer. Beaucoup oublient cela. Et nous constatons parmi nous des maladies bizarres. Nous constatons parmi nous des faiblesses dans les mois et les années à venir. Et nous constatons parmi nous beaucoup d'invalides. Ce matin, Père Céleste, que ton esprit nous donne encore à réfléchir pour prendre des temps de repos, des temps de communion avec toi, des temps de non-communication avec les autres, mais des temps surtout d'entrer en nous-mêmes pour que tu nous façonnes, pour que tu nous restaures, pour que tu nous renouvelles. Merci Père pour ce temps que tu nous donnes de prendre du plaisir avec toi dans notre repos. Béni sois-tu Père parce que tu brises, tu annules, efface dans notre corps toutes les maladies qui sont liées à notre non-repos, à notre ignorance. Merci Père pour ta bonne main qui nous restaure, qui nous requinque à cause de ce que tu nous aides à nous reposer. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant, faisons.